Donc, qui sait me rapporter quelques points? La plus importante, c'est le pensée. Non. Ensuite, la plus importante, c'est la mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ahmed.